الحمد لله الحمد لله معز من أطاعه واتقاه مذل من خالف أمره وعصاه تقدست أسماؤه جل في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الواحد لا هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره وأجله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وهو على كل شيء قدير Toutes les louanges appartiennent à Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Et sera certes honoré celui qui l'aura suivi et obéi. Et sera cependant rabaissé celui qui aura divergé avec son ordre et l'aura désobéi. Celui dont les noms et les attributs sont sublimes et parfaits. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est lui le premier que rien n'a précédé. C'est lui le dernier que nul ne succédera. C'est lui celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. Et c'est lui qui est le plus proche de ses serviteurs que ne l'est leur veine jugulaire. C'est lui l'unique qui n'a pas de contraire. C'est lui le riche qui n'a besoin de rien. Et c'est lui le puissant que ne vaincront rien de ce qu'il y a dans les cieux ni dans la terre. C'est lui le premier sans début et le dernier sans fin. Et c'est lui le capable de toutes choses. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safwatuhu min khalqihi wa khaliluhu ballagha ar-risala وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين Et je témoigne que notre prophète Muhammad a son serviteur et son messager Sa créature élue et son ami privilégié, il a transmis le message qui lui fut confié. Il fut loyal envers ses engagements. Il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà et accorde-lui ta bénédiction. À lui ainsi qu'à sa famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ayyuhal ikhwatul kiram, continuons et poursuivons notre parcours et notre découverte du jardin béni de Sourate Al-Luqman. Poursuivons notre parcours dans l'explication des versets du Seigneur Ar-Rahim Ar-Rahman. Et ceci est certes notre 14e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble série, Silsilatu Durusun min Sourati Luqman, la série des leçons tirées de Sourate Luqman. Et nous avions certes parlé lors de notre dernier discours, ayyuhal ikhwa. Nous avions évoqué et parlé de ce serviteur vertueux et de ce père doux et conseiller, Luqman rahimahullah ta'ala. Et nous avions ainsi profité de certaines de ses sagesses qu'Allah lui avait accordées et attribuées et placées sur sa langue, al-lisan. Nous avions ainsi montré la grande importance qu'a la sagesse al-hikmah et la grande valeur de cette sagesse, surtout pour celui qui appelle et qui prêche à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme si Allah jalla wa ala voulait nous dire en parlant de cet homme vertueux dont son récit est devenu éternel dans son livre sacré Al-Qur'an Al-Karim. C'est comme si Allah avait voulu en parlant de cet homme éduquer les parents Al-Abawan, éduquer les bienfaiteurs et les éducateurs Al-Du'at il Allah Azza wa Jal dans n'importe quelle époque. Et ceci en parlant de la façon d'éduquer et de la manière de cette éducation et de la manière de prêcher à Allah Jalla wa Ala. Ainsi Allah Jalla wa Ala nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Et nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse et l'hikmah. Et ensuite Allah Jalla wa Ala nous dit أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah Jalla wa Ala nous dit à la suite de cela et à la suite du verset que nous venons d'étudier lors de la semaine dernière, il nous dit tabaraka wa ta'ala anishkur lillah, sois reconnaissant à Allah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi, car quiconque est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour soi-même, wa man kafar, quant à celui qui est ingrat et mécréant, fa inna Allah ghaniyun hamid, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. C'est ainsi, ayyuhal ikhwa, qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura ordonné à son serviteur vertueux Luqman rahimahullah d'être reconnaissant envers lui et de le remercier dans ce qu'il lui aura accordé de faveur et de bienfaits, spécialement en lui, en son époque. Anishkur lillah, sois reconnaissant à Allah. Et l'ordre ici, dans ce verset d'Allah Jalla wa Ala, est adressé, est destiné à Luqman, mais c'est un ordre général. C'est un ordre général, et ainsi il n'est pas destiné uniquement pour lui. Mais ce qui importe n'est pas le cas particulier, mais c'est la parole et la destinée en général. Anishkur lillah, sois reconnaissant à Allah. Ainsi il est donc obligé, et il incombe, et il est indispensable et obligatoire à tout serviteur à qui Allah a attribué et a octroyé et a donné des bienfaits, que ce serviteur soit reconnaissant et qu'il remercie son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Anishkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sois reconnaissant à Allah, et quiconque est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour lui-même. Wa man kafar fa inna Allah ghaniyun hamid. Et celui qui est ingrat, Allah se dispense de tout, et c'est lui le digne de louange. Et Allah nous a certes, dans plusieurs versets, il nous a rappelé et il a appelé les croyants al-mu'minin à cette adoration qu'est la reconnaissance et shukr. Allah Jalla wa Ala nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqanakum, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. » Ô vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Et Allah nous dit également فَبَتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez lui reconnaissant, c'est à lui que vous serez ramené et retourné. Ainsi, ya Abdallah, regarde comment Allah aura cité certes cette adoration qu'est la reconnaissance à Shukr, comme Allah nous dit également, car il aura cité cette adoration qu'est la reconnaissance après l'adoration d'Allah al-ibada, comme Allah nous dit fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai, et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Ainsi la reconnaissance ash-shukr dans la langue arabe signifie l'apparition. Dans la langue arabe littéraire, la reconnaissance ash-shukr signifie l'apparition, les Arabes disent Dabbatun Shakur, une bête apparente, c'est-à-dire lorsque la bête est plus enveloppée qu'elle ne devrait l'être. Et dans la religion, son sens religieux, le sens religieux du mot Ash-Shukr est, comme nous le dit l'imam Al-Jawhari, rahimahullahu ta'ala, c'est la reconnaissance envers le bienfaiteur dans ce qu'il aura accordé comme bienfait. Que tu reconnaisses le bienfait qu'Allah Jalla wa Ala t'aura octroyé et accordé. Tel est le remerciement et la reconnaissance à Shouk dans la religion de l'islam. Anishkur lillah. Sois reconnaissant à Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Car quiconque est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour soi-même. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Quant à celui qui est mécréant et ingrat, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Ainsi, la reconnaissance à Shukra yu al-Ikhwatul Kiram a un sens plus général que la louange et le remerciement même. Car la reconnaissance se situe à la fois au niveau du cœur, al-Qalb, et au niveau de la langue, al-Lisan, et au niveau des actions par les membres du corps, al-Jawarih. Al-Jawarih wal-Arkan. Ainsi, ya Abdallah, tu te dois d'être reconnaissant avec ton cœur, al-Qalb. En reconnaissant les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et écoutez ce que nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Il nous dit, la reconnaissance, al-Shukr, est le gardien et l'apporteur. La reconnaissance, al-Shukr, est le gardien et l'apporteur. C'est-à-dire, c'est le gardien des bienfaits qui sont déjà présents, et c'est l'apporteur de bienfaits futurs. C'est le gardien, c'est-à-dire que cette reconnaissance va te permettre de préserver et de garder les bienfaits que tu possèdes en ce moment même, et elle va apporter de bienfaits futurs. Anishkur lillah. Sois reconnaissant à Allah. Et Allah Jalla wa Ala a certes comparé le remerciement et la reconnaissance avec le fait de le croire, et qu'il n'a pas besoin de châtier ses créatures si elles ont cru en lui, et si elles ont été reconnaissants en lui. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment ? مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Si vous avez été reconnaissant et si vous avez cru. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment ? وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Et certes Allah est reconnaissant et omniscient. Et Allah a certes cité et évoqué ses proches créatures. Il les cita et il les évoqua, alors que ses créatures le remerciaient. Et que cette créature était reconnaissante envers lui. Il nous dit à propos de son ami privilégié Al-Khalil, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il nous dit, tabaraka wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, hanifan wa lam yaku min al-mushrikin, shakiran li an'umi. Certes, Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Et il n'était point du nombre des associateurs, et il était reconnaissant pour les bienfaits. Il était reconnaissant pour les bienfaits d'Allah. Et Allah nous dit également à propos de son prophète Nuh alayhi salatu wa salam, Dhurriyatan man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abadan shakura. Innahu kana abadan shakura. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Et dans les deux recueils authentiques, selon Al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était levé en prière la nuit, jusqu'à ce que ses pieds furent usés et se fendirent, c'est-à-dire qu'il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'ouvrirent. Et on lui dit, alors, ya Rasulallah, tu fais cela, alors que c'est toi à qui Allah a pardonné tes péchés passés et futurs. Et alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, ne puis-je pas être un serviteur fort reconnaissant ? Ne puis-je pas être un serviteur fort reconnaissant ? Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes promis à ceux qui lui sont fort reconnaissants de leur augmenter et de leur multiplier et de leur accroître ses bienfaits et leurs bienfaits et leurs faveurs dans ce bas monde ad-dunya. Il nous dit, wa id ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Wa in kafartum inna adabi la shadid. Mais si vous êtes ingrat et mécréant, mon châtiment sera terrible. Et lorsque Iblis, la'natullahi alayh, a compris et a saisi la valeur de la reconnaissance al-shukr, et qu'il aura accompli la très grande place de cette reconnaissance pour les serviteurs dans ce bas monde ad-dunya, il a dit au sujet des fils de Adam, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis, la'natullahi alayh, il a ainsi promis à son Seigneur tabaraka wa ta'ala, car il avait compris la valeur et l'importance de la reconnaissance al-shukr. Il lui dit à Allah Jalla wa Ala, puis je les assaillerai de devant et de derrière et de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne les trouveras point reconnaissants. Tu ne les retrouveras point reconnaissants. Adou Allah, l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, aura alors poussé les serviteurs à ne pas croire. Il les aura alors éloignés de la reconnaissance à Allah al-shukru lillah, jusqu'à ce que les gens, jusqu'à ce que les serviteurs, jusqu'à ce que les créatures se soient divisées en deux catégories, se soient séparées en deux groupes et en deux clans, un groupe reconnaissant et un groupe ingrat, comme nous le dit Allah Azza wa Jal, Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé dans le chemin, il sera soit reconnaissant, soit ingrat. Et l'ennemi d'Allah, certes, aura réussi dans sa tâche, aura réussi dans sa charge et dans sa mission, dans le fait d'attirer la plupart des gens dans son parti et vers son groupe et ses rangs, qu'ils fassent partie des mécréants et qu'ils ne soient pas parmi les reconnaissants. Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin nous dit « Wa qalilun min ibadiya shakur » Et il y a certes peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Et ceux qui auront été reconnaissants dans ce moment d'ad-dunya envers les bienfaits qu'Allah leur aura attribués, ceux qui auront été reconnaissants et qui auront remercié leur Seigneur, le Seigneur de l'univers, Rabbul Ardi wa Sama, ce seront les serviteurs particuliers et les serviteurs aimés et privilégiés d'Allah Jalla wa Ala, ce seront ceux dont Allah aura été satisfait, ceux dont Allah Jalla wa Ala aura agréé, comme Allah Jalla wa Ala nous dit dans sourate Az-Zumar, In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous et de ses, Allah se passe largement de vous et de ses serviteurs mécréants, il n'agrée point la mécréance. Wa in tashkuru yardahu lakum. Mais si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. C'est-à-dire qu'il vous agrée. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad ou l'imam al-Bayhaqi, dans son livre Shu'abul Iman, les branches de la foi, selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui n'est pas reconnaissant envers le peu, al-qalil, n'est pas reconnaissant envers la grande quantité, al-kathir. Et celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, an-nas, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Et le fait de parler des bienfaits d'Allah est une reconnaissance. Et le fait de ne pas en parler est une ingratitude et une mécréance. Et le rassemblement est une miséricorde. Et la division est une souffrance. Sallallahu alayhi wa sallam. Il nous faut donc, ayyuhal ikhwa, il nous incombe d'être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal, de remercier notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans tout ce qu'il nous a attribué, dans tout ce qu'il nous a octroyé, dans tout ce qu'il nous a accordé. Et la reconnaissance al-shukr, comme nous l'avons dit plus tôt, est exprimée par le cœur al-qalb, et par la langue al-lisan, et par les membres du corps al-jawarih wal-arkan. Allah al-Rahim al-Rahman nous dit « I'malu » Al Daoud Shukra. I'amalou, ô vous la famille de Daoud, œuvrez par reconnaissance. Agissez par remerciement, car la reconnaissance Shukr est le gardien et elle permet de préserver les bienfaits d'Allah, et elle est la cause du fait que ses bienfaits ne s'en aillent pas, que ses bienfaits ne partent pas, comme nous le dit Omar ibn al-Aziz, ibn Abdelaziz rahimahullahu ta'ala, gardez et préservez les bienfaits d'Allah par la reconnaissance à Allah. Par la reconnaissance à Allah, shukru lillah, ja'alani Allah wa iyyakum min ash-shakirin. Qu'Allah nous place parmi les reconnaissants. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, le premier pilier parmi les piliers de la reconnaissance, ash-shukr, est le fait de reconnaître par son cœur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. De reconnaître par son cœur les bienfaits qu'Allah nous a attribués et nous a donnés dans cette vie de ce bas monde ad-dunya. Car c'est Allah qui aura pourvoyé, c'est Allah qui aura accordé, c'est Allah qui aura donné les bienfaits à ses serviteurs et personne d'autre. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Et les bienfaits d'Allah ne peuvent pas être dénombrés. Ils ne pourront jamais être dénombrés. Tu ne pourras jamais compter et dénombrer les bienfaits d'Allah qu'il aura accordés à ses serviteurs. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Certes, l'homme est véritablement injuste et très ingrat. Il nous incombe, ayyuhal ikhwa, ainsi, et il nous faut obligatoirement reconnaître en notre intérieur ces bienfaits qu'Allah nous a accordés. Que nous utilisons nuit et jour dans ce bas monde ad-dunya, que tous ces bienfaits ne proviennent que d'Allah et Azza wa Jal. Et ainsi, il nous faut reconnaître ces bienfaits, ayyuhal ikhwa tul kiram. Puis après cela vient le deuxième pilier parmi les piliers de la reconnaissance, al-shukr, le fait de parler et d'évoquer cette reconnaissance avec la langue al-lisan. Le fait de parler de ses bienfaits. Le fait d'évoquer les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Dans le but de parler de ces bienfaits qui ne proviennent que d'Allah et Azza wa Jal. Et ainsi être modeste envers cela. Et reconnaître ses bienfaits, non dans le but de se hausser et de s'enorgueillir. Et de s'enfler d'orgueil et de se vanter. Écoutez ce que nous dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, multiplier les paroles sur ses bienfaits, car le fait d'en parler et le fait de les évoquer est une reconnaissance. Et Allah Jalla wa Ala aura certes ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il parle et qu'il évoque du bienfait d'Allah sur lui lorsqu'il lui dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith » وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le et parle-en. Il nous incombe ainsi de parler des bienfaits d'Allah, des bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala aura accordés à nous, par modestie, non par orgueil envers Allah, non par orgueil envers les serviteurs d'Allah. Ainsi le fait de parler des bienfaits d'Allah et Azza wa Jal est le deuxième pilier parmi les piliers de la reconnaissance et shukr. Et vient après cela, ayyuha al-ikhwa, le pilier le plus important, le pilier qui est la base de tous ces piliers de la reconnaissance, al-shukr, qui est le fait d'utiliser et d'appliquer et de pratiquer ces bienfaits qu'Allah nous a accordés dans l'obéissance d'Allah et Azza wa Jal. Et dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un exemple, ayyuha al-ikhwa, ces membres du corps, l'œil al-ayn, l'oreille al-udhun, ses deux mains al-yadayn, ces deux pieds, al-rijlayn, tous ces bienfaits qu'Allah nous a accordés et nous a attribués dans ce corps humain sont des bienfaits d'Allah et Azza wa Jal. Il nous faut ainsi, et il nous incombe, et il nous est indispensable de les utiliser dans l'obéissance d'Allah et Azza wa Jal. Fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Un jour un homme a questionné Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, un homme parmi les prédécesseurs al-salafu salih, et il lui dit, ya Abu Hazim, comment être reconnaissant envers Allah avec les yeux? Et alors il répondit, rahimahullah, lorsque tu vois une bonne chose avec tes yeux, fais-le savoir. Et lorsque tu vois une mauvaise chose avec ses yeux, cache et ne le fais pas savoir. Et il lui dit ensuite, comment être reconnaissant avec ses oreilles? Et alors il répondit, rahimahullah, lorsque tu entends avec ses oreilles un bien, prends-en conscience. Et lorsque tu entends avec ses oreilles un mal, cache-le alors. Il lui dit alors, comment remercier Allah avec son ventre? Il lui dit, rahimahullah, que la partie basse de ton ventre soit emplie de nourriture et que la partie supérieure de ton ventre soit une science, l'ilm. Et il lui dit alors, et comment remercier Allah avec ses deux mains? Il répondit, que tu ne prennes pas avec ses deux mains ce qui n'appartient pas à ses deux mains. Et que tu n'empêches pas pour Allah un droit ou une obligation qui doit être entre ses deux mains. Et il demanda ensuite, et comment remercier Allah avec ses parties intimes? Et alors il lui répondit la parole d'Allah et Azza wa Jal, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بِتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses, et avec les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut leur reprocher ou leur blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont eux les transgresseurs. Et il demanda ensuite, et comment remercier Allah avec les pieds? Et alors il répondit, rahimahullah, si tu vois un vertueux serviteur qui vient de mourir et que tu envies et que tu es jaloux de ses actions, utilise tes pieds afin d'effectuer ses actions. Telle est la reconnaissance shukr à Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à celui qui aura été reconnaissant avec sa langue al-lisan, mais qui n'aura pas été reconnaissant avec tous les membres du corps, comme nous le dit Abu Hazim, celui qui n'est pas reconnaissant avec tous ses membres, il est tel un homme, ayant un habit, ayant un vêtement, et qu'il le tire par ses extrémités mais qu'il ne le porte pas. Celui qui n'est pas reconnaissant avec ses membres du corps, est tel un homme qui a un habit, qui possède un habit, et qui le tire par ses extrémités mais qui ne le porte pas. Cet habit ne le protégera ni de la chaleur, ni du froid, ni de la neige, ni de la pluie. Alors celui à qui Allah aura attribué le bienfait de la raison, al-aql, et qui aura utilisé sa raison dans le mal et dans la ruse, et dans l'esquive des limites d'Allah, Azza wa Jal, dans l'esquive des transgressions, des obéissances au Seigneur des cieux et de la terre, il aura été ingrat et mécréant envers le bienfait de la raison, al-aql, celui à qui Allah aura accordé le bienfait de la vue, al-basar, mais qui aura utilisé sa vue dans le fait de regarder les interdits al-muharramat, comme les films pervers et les séries télévisées al-musalsalat, ou bien dans le fait de regarder les femmes et de suivre du regard leurs parties intimes, ou bien dans le fait de lire des livres pervers et obscènes, et dans le fait de lire également des magazines mauvais, il aura été ingrat et mécréant par rapport au bienfait de la vue qu'Allah lui aura accordé. Celui à qui Allah aura accordé le bienfait de l'ouïe as-sama, mais qui aura utilisé son ouïe dans la médisance al-riba, et dans le fait de semer la discorde entre les gens an-namima, et dans le fait de mentir al-kadhib, et dans le fait de semer la calomnie, et qui aura utilisé son ouïe également dans le fait d'écouter la musique et les chansons libertines, et les mélodies des femmes, il aura été certes ingrat et mécréant par rapport au bienfait de l'ouïe qu'Allah lui aura accordé. Celui à qui Allah aura octroyé et attribué le bienfait des mains, mais qui utilisa ses mains dans des actions interdites, comme le fait de vendre de l'alcool ou du vin, comme le fait de vendre de la viande qui n'est pas halal ou bien du porc, comme le fait de vendre d'autres choses interdites, ou utiliser ses mains dans le fait d'accepter une corruption, ou de manger une chose illicite, ou bien de voler des biens, ou bien de faire couler du sang, eh bien il aura été ingrat et mécréant quant au bienfait qu'Allah lui aura accordé envers ses mains. Celui à qui Allah aura accordé le bienfait des pieds, al-rijlain, mais qui aura utilisé ses pieds pour aller dans des endroits qu'Allah déteste. Il aura utilisé ses pieds pour ne pas aller dans les maisons d'Allah, Azza wa Jal. Il ne sera pas allé assister aux assemblées de dhikr, de rappel et d'invocation et de science, mais il les aura utilisés pour aller désobéir à Allah et pour se diriger vers des endroits de désobéissance et de perversité, et il ne les aura pas utilisés pour aller dans les assises de bien, ni aller demander une subsistance halal. Il aura été certes ingrat et mécréant par rapport aux bienfaits des deux pieds qu'Allah lui aura accordés. Et cela alors, comparez tous les autres membres de cette façon. Et également celui à qui Allah Jalla wa Ala aura accordé le bienfait d'une femme, mais qu'il ne l'aura pas éduqué dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Il n'aura pas éduqué cette femme selon le livre d'Allah Jalla wa Ala. Et il n'y aura pas ordonné de porter le voile al-shar'i, le hijab, qu'Allah lui a ordonné de porter. Et il n'y aura pas ordonné la pudeur ordonnée par le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et il n'aura pas été assidu quant à la jalousie pour elle. Et il ne l'aura pas éduqué dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Sa femme devient alors parmi celles, malheureusement, qui sortent et qui reviennent. Son but dans cette vie devient les marchés al-aswaq, et les modes, et les parfums. Et il devient alors lui la femme et elle l'homme, wal-ayadu billah. Il aura été certes ingrat et mécréant quant au bienfait de la femme qu'Allah lui a accordé. Celui à qui Allah aura accordé le bienfait des enfants, al-awlad, mais qui n'aura pas éduqué ses enfants selon le livre d'Allah, et qui n'aura pas enseigné à ses enfants la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais il les aura certes éduqués à l'occidental, et comme les mécréants al-kuffar, eh bien il aura été ingrat et mécréant quant au bienfait des enfants qu'Allah lui aura accordé. Celui à qui Allah aura accordé le bienfait de l'argent al-mal, mais qui aura utilisé son argent non dans la satisfaction d'Allah, non dans l'aide des nécessiteux, al-fuqara, non dans la nourriture des pauvres, al-fuqara ou al-masakin, mais qui aura plutôt utilisé son argent dans la mécréance, al-kufr, et dans le libertinage et dans la perversité, al-fisq, et dans la fornication, al-zina, et dans l'homosexualité al-liwat, et dans l'alcool al-khamr, et dans d'autres grands péchés interdits, eh bien il aura été ingrat et mécréant quant au bienfait de l'argent qu'Allah lui aura accordé. Tout bienfait ainsi qu'Allah t'aura accordé, ô toi le musulman, ya ayyuhal muslim. Tout bienfait qu'Allah t'aura donné et octroyé, tu te dois et il t'incombe de l'utiliser dans ce qui satisfait Allah. Dans ce qui agrée Allah, jalla wa ala, car sinon, tu seras certes ingrat et mécréant par rapport à ces bienfaits qui disparaîtront certes dans peu de temps, et si cela ne disparaît pas, ne dis pas que tu as raison, mais cela signifie qu'Allah t'accorde un délai. Qu'Allah te donne un délai dans ce moment d'ad-dunya, il te laisse, mais il ne t'oublie pas, et lorsqu'il te prendra, il te prendra d'une saisie d'un puissant capable de toutes choses. Allah jalla wa ala nous dit, i'malou ala Daoud shukra. Œuvrez par gratitude, œuvrez par reconnaissance, agissez, tel est le pilier le plus important parmi les piliers de la reconnaissance shukr, qui est le fait d'utiliser tous les bienfaits d'Allah dans ce qui le satisfait et l'agrée. Et nous avons certes vu des gens pendant les vacances d'été, malheureusement, mais al-asaf, des gens à qui Allah a octroyé et attribué tous les types de bienfaits. Ces vacances d'été, malheureusement, de nos jours, sont des vacances où des gens déclarent la guerre à Allah. Des vacances où les gens défient Allah, jalla wa ala, avec beaucoup de désobéissance, beaucoup de turpitude et de péché. Nous avons donc compris avec conviction que la communauté musulmane, al-ummatul islamiyya, n'est pas digne et ne mérite pas de guider les autres communautés en cette époque et de nos jours. Niram, elle ne mérite pas de guider cette communauté qui n'est pas digne de recevoir la victoire d'Allah et Azza wa Jal. Pourquoi ? Car elle aura placé le livre d'Allah et Azza wa Jal derrière son dos. Elle aura détourné et elle se sera tournée du livre d'Allah. Et elle aura oublié son Seigneur Jalla wa Ala. Et elle aura négligé l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu des gens baignés dans les bienfaits d'Allah et Azza wa Jal. Mais malheureusement, tels des animaux et des bestiaux, parmi ceux qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de richesses, mais qui ne peuvent même, à un tel point qu'ils ne peuvent même pas les compter. À un tel point qu'ils ne peuvent même pas compter leurs richesses et leurs biens. Parmi eux, il y en a qui se vantent d'appartenir au pays de l'Kaaba. Il y en a qui se vantent d'appartenir au pays de la mosquée du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam, et de la source de l'arrivée de l'islam. Nous les avons vus utiliser ces bienfaits. Et ils viennent alors maintenant, pendant les vacances, dans les pays mécréants d'Al-Kuffar, dans les hôtels les plus luxueux, pour quoi faire? Pour se lâcher. Pour se défouler, wal'ayadu billah. Ils viennent dans ces pays mécréants, ayyuha al-ikhwatul kiram. Nous avons vu et nous avons entendu que la fille de la péninsule arabique, là où on ne voit que ses yeux, lorsqu'elle vient dans un pays mécréant, que fait-elle dans l'avion? Lorsqu'elle voyage, elle enlève son voile. Elle enlève le voile de la pudeur. Elle enlève et elle se découvre. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et après cela, tu vois des choses vraiment étonnantes, ayyuha al-ikhwa. On peut dire même la même chose à propos des hommes qui viennent dans ces endroits et dans ces pays afin de se défouler, de se lâcher, et afin de courir derrière les plaisirs interdits en passant des nuits noires dans les bars et dans les casinos. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils dépensent, ya Allah, des sommes vertigineuses, qui au lieu d'être utilisés pour les pauvres al-fuqara, ces pauvres qui ont subi des injustices, ces nécessiteux et ces affamés qui ont subi ces injustices et qui sont morts de faim. Certes, s'ils avaient dépensé ces sommes vertigineuses pour combler l'injustice et l'épreuve de ces pauvres, l'injustice n'aurait plus lieu d'être. Et ils n'auraient plus faim, ces pauvres et ces nécessiteux. Mais ces gens dépensent ces sommes vertigineuses qui, au lieu d'être dépensées dans la nourriture des pauvres ou même dans la construction des maisons d'Allah et Azza wa Jal, dans la construction d'écoles, dans la construction d'hôpitaux, dans la construction des œuvres charitables, cela aurait été plus profitable pour eux, Allah, pour leurs frères et pour leur religion. Mais lorsque la personne est ingrate et mécréante par rapport aux bienfaits qu'Allah lui a accordés, certes elle utilise l'argent d'Allah, mais elle est distraite par rapport au jugement d'Allah et oubliant le châtiment et la punition d'Allah, jalla wa ala, et ainsi il leur sera attendu toute catastrophe et tout bouleversement. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors ô ceux à qui Allah a octroyé et a attribué et a accordé les bienfaits et les faveurs dans ce monde ad-dunya, ittaqullah jalla wa ala. Craignez Allah jalla wa ala. Craignez Allah. Wallahu alladhi la ilaha ghayruh. Car Allah, Allah vous jugera à propos de votre argent, euro par euro, dinar par dinar, riel par riel, franc par franc, d'où est-ce que vous l'avez reçu? et dans quoi vous l'avez consommé. Alors préparez donc à la question une réponse. Et préparez cette réponse, une bonne réponse à cette question. Allah Jalla wa Ala nous dit, « Anishkur lillah, wa man yashkur, fa innama yashkuru li nafsih, wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid. » Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Et celui qui est ingrat et mécréant, Allah se dispense de tout et c'est lui le digne de louange. As'alullah jalla wa ala an yaj'alana min ash-shakirin. Nous demandons à Allah jalla wa ala qu'il fasse que l'on soit parmi les reconnaissants. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir, et en tenant ses propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa